إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est arrivé au cours numéro 19 dans l'explication des fondements de la da'wa salafiyya. Et on va maintenant lire le point numéro 7, Mawqif al-Salaf min ahli al-bid'ah, la position des salaf al-salih vis-à-vis des gens de la bid'ah. Comment ils agissaient avec eux. Et ça c'est important pour nous si on veut savoir c'est quoi le manhaj des salaf. Parce que beaucoup de gens prétendent qu'ils suivent les sahaba, qu'ils suivent l'exemple de ceux qui nous ont précédés dans l'islam parmi les musulmans des trois premières générations, sauf qu'ils ont des attitudes différentes par rapport aux différents groupes d'innovation, par rapport aux différentes sectes, par rapport aux différents groupes, par rapport aux individus qui appellent à des innovations et des égarements. Et ils contredisent la position des salaf salih dans cette question-là. Donc, c'est important de connaître leur position à eux pour savoir nous comment on doit agir envers les gens de bid'a. Et le cheikh, donc, il cite des paroles des salafs qui ont été mentionnées dans les livres que les salafs ont écrits, qui ont été rassemblés par des savants de l'islam. Parmi les livres en question, il y a le livre qui a été écrit par le cheikh Khalid al-Zufayri, « Ijma'ul ulama al-hajri wa tahziri min ahli al-ahwa », c'est-à-dire le consensus des savants au sujet du fait de boycotter et d'avertir contre les gens de la passion. C'est-à-dire les gens de bid'ah. Donc il commence avec une citation. Il dit « An Sulayman ibn Yassar, an rajulan yuqalu lahu sabir, qadima al-Madina, faja'ala yas'alu an mutashabih al-Qur'an, faarsala ilayhi Umar, waqad a'adda lahu arajin al-Nakhl, faqala man anta? Qala ana Abdullah sabir. Qala ana Abdullah sabir. Fa'akhaza Umar عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال أنا عبد الله عمر قال أنا عبد الله عمر فجعل له ضربا حتى دمي رأسه فقال يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. Donc ça c'est le premier exemple que le cheikh il mentionne, c'est l'exemple de Sabir ibn Asal. Ça, c'est une histoire qui est arrivée à l'époque de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. C'est rapporté selon Sulayman ibn Yassar. Il y a un homme qui s'appelait Sabir. Ok? Sabir ibn Asal, c'est ça son nom au complet. Et il est venu à Médine. Puis il commençait à demander des questions aux gens de Médine sur des sujets, des versets qui sont équivoques dans le Coran. Sur des choses que, yani, des mots qui sont parfois pas connu par tout le monde. Il demande des questions sur des petits détails, mais des choses qui sont vraiment pas fondamentales. Puis il fatigue les gens avec ces questions. Alors, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, a entendu des rumeurs de cet homme, parler de cet homme-là. Alors, il a préparé pour lui des genres de palmes séchées qu'il a arrangées, pour faire un genre de fouet ou un genre de bâton. Puis il l'a préparé pour lui. Puis il a ordonné que quelqu'un l'amène. Alors, quelqu'un est allé le voir, il l'a ramené jusqu'à Omar ibn Khattab. Alors, Omar lui a dit, tu es qui? Il a dit, je suis Abdullah, je suis le serviteur d'Allah, Sabir. Alors, Omar ibn Khattab a pris les palmes séchées, les palmes séchées, et il a commencé à le frapper avec. Okay. Et donc, Omar a dit, je suis le serviteur d'Allah, Omar. Et à l'époque, c'était lui le khalifa. Hein, c'est lui le dirigeant des musulmans. Donc il a cette autorité-là, il peut établir les punitions sur les gens, puis juger les individus. Donc il a commencé à le frapper, sur sa tête, jusqu'à ce que du sang commence à couler de sa tête. Alors, Sabir a dit, « Oh Amir al-Mu'minin, ça suffit maintenant. Et ce que j'avais dans ma tête, c'est parti. Le problème que j'avais dans ma tête, il est parti maintenant, je suis guéri. » Et donc, Omar ibn Khattab l'a laissé partir. En fait, il l'a expulsé dans une autre ville. C'est pas mentionné dans cet exemple ici, mais dans d'autres narrations, il y a l'explication que Omar ibn Khattab l'a fait expulser, l'a exilé dans une autre ville, et il a interdit à toute personne de s'asseoir avec lui. C'est-à-dire, il a interdit de toute personne de s'asseoir avec lui, et quand les gens le voyaient, ils disaient ça, c'est le serviteur que Omar a éduqué. Et personne ne s'assoyait avec lui. Et il venait, il assistait aux cours, il apprenait l'islam avec les ulama, mais personne ne lui adressait la parole. Et il est rapporté dans l'histoire que à la fin de sa vie, il est mort parmi les savants. C'est-à-dire, il est devenu un savant de l'islam par la suite. Et en fait, Omar ibn Khattab, pourquoi il lui a fait ça? C'est pas seulement pour le punir du fait qu'il perdait son temps, mais c'est pour lui faire comprendre que, au lieu de perdre son temps à poser des questions sur des choses qui sont pas fondamentales, de se concentrer sur les bases, de retourner à la science et d'apprendre sa religion comme il faut. Pas juste de commencer à chercher sur des petites questions comme ça qui sont secondaires ou qui sont pas fondamentales, puis de fatiguer les gens et de créer des fitanes avec ça. Donc, ça, c'est un premier exemple qui nous montre comment les salafs ont agi envers les individus qui avaient des attitudes et des comportements incorrects. Même si ce n'était pas nécessairement une bid'ah, mais c'est quelque chose qui peut amener à faire tomber dans des bid'ah. Quand tu commences à poser des questions sur des mutashabihat et à commencer à faire des fitanes avec ça. Donc ça, c'est rapporté, cette histoire, dans Sunan ad-Darimi. Ensuite, un autre exemple, il dit قال فضيل بن عياض رحمه الله من جالس صاحب البدعة من جالس صاحب البدعة صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. Il a dit, celui qui s'assoit avec un individu qui a une bid'a, comme un innovateur, un mubtadi', on ne lui donnera pas ou il ne recevra pas la sagesse. Il ne va pas recevoir l'hikma. Et ça, tu le vois de la part des gens de bid'a. C'est rare que tu trouves parmi eux des gens qui ont la sagesse, hein, ou qui comprennent la signification de la sagesse. Et bien entendu, la sagesse, c'est le Coran et la Sunna, hein, avant tout. Et le Cheikh Iziqal, وقال لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. Donc ça, c'est rapporté dans Sharh Sunnah de l'imam Al-Barbahari et dans Al-Ibana de l'imam Ibn Battah. Il dit que Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, qui est un des imams des salaf, il a dit, ne t'assois pas avec l'innovateur, ne t'assois pas avec le mubtadi', parce que je crains que la malédiction d'Allah tombe sur toi si tu t'assois avec lui. Donc quand quelqu'un, par exemple, il voit des gens qui sont sur la bid'a, que ce soit des khawarij, que ce soit des takfiriyin, que ce soit des par exemple des shi'a rafida, ou bien des gens de d'autres bid'a comme ça, puis que c'est une personne qui a des shubuhat, puis toi tu t'en vas t'asseoir avec lui, tu te mets dans la position où il risque de t'atteindre une malédiction, puisque la malédiction est en train de tomber sur lui. Donc toi tu restes avec lui, cette malédiction-là, elle risque de t'atteindre d'une façon ou d'une autre. Hein? Et il dit ensuite, وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدِ بِنْ حَنْبَلْ رَحِمَهُ اللَّهِ تَجَنَّبُوا أَصْحَابَ الْجَدَلْ وَالْكَلَامِ عَلَيْكُمْ بِالسُّنَنِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ قَبْلَكُمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْكَلَامُ وَالْخَوْضُ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ وَالْجُلُوسِ مَعَهُمْ وَإِنَّمَا السَّلَامَةُ فِي تَرْكِ هَذَا. Donc l'imam Ahmad Ibn Hanbal, rahimahullah, un des imams, parmi les imams de l'islam, celui qu'on appelle imam ou ahl sunnah, le guide des gens de la sunnah, le chef, disons, des gens de la sunnah, à cause de l'épreuve qu'il a subie de la part des Mu'tazila, qui l'ont torturé, qui lui ont fait subir toutes sortes de châtiments. Donc, l'imam Ahmed, on l'appelle l'imam d'ahl sunnah. Il est mort en l'an 241. rahimahullah. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écartez-vous des gens de la discussion et de la dispute, et des qui aiment ça faire des discussions et des disputes et des débats dans la religion. Et accrochez-vous aux sunan, c'est-à-dire aux choses qui sont rapportées de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et accrochez-vous à ce que les hommes de science avant vous suivaient, et accrochez-vous à ce que ces hommes-là prenaient et ce qu'ils s'accrochaient. Yani. Parce que ils détestaient tous qu'est-ce qu'on appelle al-kalam. Ils détestaient tous qu'est-ce qu'on appelle al-kalam. Et al-kalam, hein, c'est qu'est-ce que en fait, c'est qu'est-ce que les gens de bid'a ont innové dans la religion d'Allah, al-kalam. Et souvent, on l'appelle, par exemple, la dialectique aristotélicienne, c'est-à-dire les philosophies qu'ils ont pris des Grecs et de Platon et d'Aristote et de ces autres philosophes grecs-là. Et ils essaient d'interpréter la religion en se basant sur ces philosophies-là. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle ilmul kalam. Okay? Ils essaient de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses noms et de ses attributs, seulement en se basant sur la logique, sans se référer au texte du Coran et de la Sunna. Puis ils essaient de définir le raid en se basant sur leur raison et sur leur propre tête. Ça, c'est ilmul kalam. Et après, ils vont voir les ulama de Ahlul Sunna et les savants de l'islam, puis ils veulent rentrer avec eux dans des débats, dans des argumentations, pour essayer de prouver leur point et d'essayer de convaincre les gens de ce qu'ils disent, qui est comme si pour leur faire croire que c'est la vérité, avec des arguments rationnels. Et c'est pour ça que tu trouves les gens de Bid'a aujourd'hui, ils sont encore comme ça. Tu vas leur mentionner des versets dans le Coran et des hadiths dans la Sunna, ils vont dire, ah non, laisse ça de côté. Laisse le Coran de côté, laisse la Sunna de côté. On n'a pas besoin de mentionner ça. Ça, on l'accepte, on y croit, soi-disant. Mais on va parler de notre tête maintenant. On va argumenter logique pour voir si on est capable de se comprendre. Donc, c'est des gens qui détestent le Coran et la Sunna d'une certaine façon, hein, et qui veulent pas retourner aux preuves de la révélation. Et donc, ils veulent se référer à leur logique pour essayer de prouver que leur opinion est meilleure. Hein? Et on l'a vu même dernièrement, il y en a dans les événements qui se sont passés, quand on amène des versets dans le Coran ou des hadiths qui disent aux gens d'obéir et d'écouter aux dirigeants, par exemple, eh bien, ils disent non, il faut utiliser notre raison, il faut utiliser notre logique. Hein? On n'a pas besoin de se référer à des savants ou à des versets ou à des hadiths. Ils prennent les choses générales et ils laissent qu'est-ce qui est spécifique. Donc, les ulama des salafs, eux, ils détestaient de s'asseoir avec ces gens-là. Quand les ulama d'Ahlus Sunnah, ils débattaient avec des gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Hein? Eux, ils arrivent avec leur logique. Les ulama d'Ahlus Sunnah, quand ils commencent à leur répondre, ils commencent à leur dire « Haddathana Soufyan, Haddathana un tel et un tel, ils mentionnent les noms dans la chaîne de transmission. » Quand les gens de Bid'a entendent Haddathana, ça les tue. Yani, c'est comme si ça leur fait mal au cœur. Ils disent, ah mais vous avez rien d'autre que Haddathana. C'est-à-dire, Haddathana, c'est le terme que les ulama, quand ils transmettent les hadiths, ils utilisent cette expression. Ça veut dire, on nous a dit, hein, on nous a transmis. Hein. Donc, c'est les paroles qui sont rapportées de ceux qui sont venus avant nous. Soit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des sahaba, ou des tabi'in, ainsi de suite. Donc, il se base sur qu'est-ce qui a été ramené de la religion par des chaînes de transmission authentiques. Tandis que les gens de Bid'a, eux, ils n'ont pas de chaînes de transmission. Et encore moins des chaînes de transmission authentiques. Et donc, la seule chose sur laquelle ils se basent, c'est leur logique. Et donc, quand ils entendent les ulama d'Ahlus Sunnah qui commencent à dire « Haddathana », ça tout de suite, ça y est, ils peuvent plus rentrer dans des discussions et des débats. Et les ulama leur disent, si vous avez quelque chose à nous transmettre d'une transmission qui est authentique, on l'accepte. Mais si c'est de vos idées personnelles ou de votre façon de penser dans votre tête, vous voulez nous convaincre, ça on ne veut pas savoir. Hein? On ne prend pas notre religion sur le kalam ou sur al-ra'i ou sur des choses de ce genre. Donc ils détestaient, les salafs détestaient al-kalam. Et ils détestaient de débattre et de patauger avec les gens de bid'a et de s'asseoir avec eux. Et il disait que, en fait, comment on fait pour être épargné et sauvé de ces gens-là et de ces égarements-là, c'est justement d'éviter de s'asseoir avec eux. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque des salafs, les gens de Bid'a étaient une minorité. C'était des individus, hein, minoritaires, et c'était des groupes très minoritaires qui venaient pour essayer de s'imposer, qui venaient pour essayer de propager leurs idées. Et souvent, comme tu dis, ils étaient souvent cachés. Ils ne voulaient pas montrer ouvertement leur bid'a, mais ils essayaient d'approcher certains individus ou certaines personnes pour essayer de les convaincre de leurs idées, de cette façon-là. Hein? Mais par la suite, comme à notre époque, il y a beaucoup de bid'a, maintenant ils sont devenus répandus partout. Hein? Et des fois, c'est le contraire qui se passe, c'est la sunna qui est devenue étrangère et minoritaire, et la bid'a qui est devenue... Hein, la majorité. Donc ça, c'est une parole de l'imam Ahmad qui nous explique comment les salafs agissaient envers les gens de bid'a, qu'ils détestaient ce genre de choses-là, de s'asseoir avec eux ou de débattre avec eux. قال الإمام إسماعيل بن يحيى المزني في رسالته شرح السنة الإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة الإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا فمن ابتدع منهم ضلالا كان من أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا ويتقرب إلى الله بالبراءة منه. Donc ça, c'est un des imams parmi les imams de l'islam, l'imam al-Muzani, hein, qui était un des compagnons de l'imam al-Shafi'i, hein, qui est mort en 264 Hijri. Il dit dans sa risala qui s'appelle Sharh al-Sunna, hein, lui aussi il a écrit une risala sur la Sunna, il a dit de se retenir de faire le takfir des gens de la Qibla, c'est-à-dire on ne fait pas le takfir des musulmans pour des péchés qu'ils ont commis. Et on doit se désavouer des gens qui ont inventé des choses dans la religion, hein, du moment qu'ils ont inventé des choses, des égarements et des innovations, parce que ceux d'entre eux qui innovent dans la religion et qui ramènent des égarements et des innovations d'égarements, alors ils sortent des gens de la Qibla et ils quittent la religion. Hein, et on doit chercher à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en se désavouant d'eux. C'est-à-dire, le fait de se désavouer de ces gens-là, c'est une façon de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de la religion de se désavouer d'eux. Et une autre parole, maintenant, c'est la parole de l'imam Abu Bakr ibn al-Hussein al-Ajurri. Ça, c'est aussi un des imams parmi les imams des salafs. Il est mort en l'an 360 Hijri. Il dit, hein, il a un livre qui s'appelle Al-Sharia. Il a un livre qu'il a écrit qui s'appelle Al-Sharia, qui rassemble les positions des salafs sur les différents aspects de la sunna et sur les différentes questions de aqidah et de manhaj. Donc c'est un des livres vraiment puissants sur l'explication de la position des salafs dans les questions de aqidah et de manhaj. Et donc c'est une référence dans ce sujet-là. Il dit يَنْبَغِي لِكُلِّ مَنْ تَمَسَّكَ بِمَا رَسَمْنَاهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا وَهُوَ الشَّرِيعَةَ أَنْ يَهْجُرَ جَمِيعَ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَكُلُّ مَنْ يُنْسَبُ إِلَى الْمُعْتَزِلَةِ أَوْ جَمِيعَ الرَّوَافِضِ وَجَمِيعَ النَّوَاصِبِ وَكُلُّ مَنْ نَسَبَهُ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ مُبْتَدِعٌ بِدْعَةً ضَلَالَةً وصح عنه ذلك وذلك لا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه ولا يجالس ولا يصلى خلفه ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه ولا يتزوج إليه من عرفه ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله بل يظله بالهوان له. Donc, l'imam Al-Ajurri, regardez ce qu'il dit. Il dit, toute personne doit s'accrocher à ce qu'on a expliqué et ce qu'on a mentionné dans notre livre, c'est-à-dire Al-Sharia, le livre qui s'appelle Al-Sharia. Et il doit s'écarter et abandonner tous les gens de bid'ah, tous les gens de la passion, que ce soit des khawarij, que ce soit des qadariya, que ce soit les murji'a, que ce soit les Jahmiya, ou toute personne qui s'affilie au Mu'tazila, et toutes les catégories de Rawafid, Shia, ou bien toutes les formes de Nawasib, ceux qui ont du mépris ou qui dérespectent les gens de la famille du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kullu man nasabahu a'immatul muslimin, donc toute personne parmi les innovateurs qui ont été affiliés aux gens de bid'a par les imams de l'islam, c'est-à-dire toute personne que les imams de l'islam ont dit à son sujet que c'est un mubtadi' et qu'il a un égarement et que c'est exact à son sujet. C'est-à-dire que les savants ont dit, lui c'est un Mu'tazila, ou lui c'est un Shi'i, ou lui c'est un Khariji, ou ainsi de suite. Donc, dans ce cas-là, il rentre aussi dans ces gens de bid'a et on doit s'écarter d'eux et les boycotter également. Et il dit, donc, le musulman ne doit pas lui adresser la parole. Il ne faut pas lui parler. Il ne faut pas lui donner le salam. Il ne faut pas s'asseoir avec lui. Il ne faut pas prier derrière lui. Il ne faut pas le marier si on a une fille. On ne lui donne pas notre fille. Et il ne faut pas non plus se marier avec soit sa fille ou bien des gens de sa femme ou des gens de son entourage. Il ne faut pas se marier avec eux non plus si on sait de lui ce genre de choses-là. Et il ne faut pas non plus être partenaire avec lui, hein, être associé avec lui, ou interagir avec lui, ni même débattre avec lui, ou essayer d'argumenter avec lui. Il faut plutôt le traiter en l'humiliant et en le rabaissant. Donc ça c'est la parole de l'imam Al-Ajurri à propos des Mubtadi'a, à propos des gens de la Bid'a. C'est comme ça qu'on doit agir envers eux. Il dit ensuite « وَلَقَدْ تَضَافَرَتْ الْأَقْوَالْ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي التَّحْذِيرِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ كَابْنِ بَطَّة فِي كِتَابِ الْإِبَانَ والإمام أبي محمد عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث وقول الإمام السمعاني والإمام البغوي وابن قدامة والقرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشاطبي ومحمد بن عبد الوهاب والشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل بن هادي الوادعي والشيخ صالح الفوزان والشيخ ربيع ابن هادي المدخلي وهذا هو منهج السلف من العلماء في البراءة من أهل البدع. Donc il dit que toutes les paroles des ulama sont tous ensemble, et elles se rejoignent toutes entre elles au sujet du fait de mettre en garde contre les gens de la bid'a. Et si on regarde dans leurs livres, comme par exemple le livre de l'imam Ibn Battah, dans son livre qui s'intitule Al-Ibana, ou bien le livre de l'imam Abu Muhammad Uthman al-Sabuni, dans son livre qui s'intitule Aqidatul Salaf wa Ashab al-Hadith, et également les paroles de l'imam As-Sam'ani, et l'imam al-Barawi, et l'imam Ibn Qudama, et l'imam al-Qurtubi, et l'imam Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et Ibn al-Qayyim, et l'imam al-Shatibi, et également le Cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab, le Cheikh al-Albani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Muqbil, Cheikh al-Fawzan, Cheikh Rabi' al-Madkhali. Donc ça c'est le manhaj de tous les ulama parmi les salafs, et les ulama qui sont venus par la suite, et ils ont tous enseigné qu'il faut se désavouer des gens de bid'a. Et il n'y a pas de divergence entre eux sur ce sujet-là. Ça fait partie des fondements de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et aujourd'hui, vous voyez par exemple que les gens de bid'a parmi les Khawarij ou les Takfiriyin, ils vont essayer de stigmatiser certains ulama en particulier parce que ce sont des ulama qui se sont concentrés sur la réfutation de leurs innovations en particulier. Donc quand ils voient qu'un savant parmi les autres savants s'est concentré sur la réfutation de leur bid'a, alors il le stigmatise d'une certaine façon pour essayer de faire croire aux gens qu'il est singulier dans cette position-là, ou bien que c'est le seul à dire ce qu'il dit par rapport aux autres ulama salafiyin. Hein, comme ils ont fait par exemple avec le Cheikh Rabi'a lorsqu'il a réfuté Sayyid Qutb et beaucoup d'entre les gens de bid'a de notre époque. Donc ils essaient de le stigmatiser d'une certaine manière pour dire lui il n'est pas comme les autres ulama salafiyin. Et lui il a un autre manhaj que les autres ulama qui suivent la voie des salaf salih. Et ça c'est un mensonge en réalité, puisque tous les ulama de notre époque et tous ceux qui ont connu Cheikh Rabi'a parmi les ulama d'aujourd'hui, ils ont tous donné leur éloge et leurs recommandations vis-à-vis de ce cheikh, vis-à-vis de Cheikh Rabi'. Et ils ont tous dit à propos de Cheikh Rabi' que c'était un savant de l'islam et que on devait profiter de ses livres et de ses enseignements, et que ce qu'il enseignait c'était l'aqidah d'Ahl-Sunnah wal-Jama'a, et qu'il ne divergeait pas de rien de ce que les salafs ont ramené. Hein? Et donc c'est ça qui fait comprendre en réalité que si quelqu'un il a quelque chose contre Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali à notre époque, c'est parce qu'en réalité il a quelque chose contre tous les autres ulama des salafs, sauf qu'il veut pas il veut pas l'admettre, ou il essaie de le cacher et de se camoufler, et il cible le Cheikh Rabi' en particulier justement pour essayer de, hein, de dévier les musulmans et de les écarter et les faire fuir de ce que ce cheikh là a enseigné ou a écrit contre les gens de bid'ah. Parce que il y a des savants de l'islam, par exemple, qui réfutent les gens de bid'ah de façon générale, hein, dans le sens qu'ils mettent en garde contre eux de façon générale, et ils réfutent certains d'entre eux de façon spécifique lorsqu'ils savent des choses spécifiques à leur sujet. Cheikh Rabi', il a étudié les livres de ces gens de bid'ah à notre époque de façon approfondie, et il a été capable donc d'écrire des réfutations très détaillées de ce que ces gens-là ont amené dans la religion à notre époque, ce que peu d'entre les savants à notre époque ont le temps de faire. Donc au lieu de critiquer Cheikh Rabi' pour ce qu'il a fait dans ce sens-là, il faut qu'il soit remercié, puisqu'il a allégé la tâche pour les autres savants de l'islam qui n'ont pas eu eux le temps ou l'énergie ou la motivation de faire ce que Cheikh Rabi' ibn Hadi hafizahullah a pu faire pour, en ce qui concerne la défense de la sunna et la réfutation des gens de la bid'a. Hein? Donc au lieu de dire ah lui il est pourquoi c'est lui seul qui a fait ça, ou pourquoi les autres ils l'ont pas dit, ou pourquoi les autres l'ont pas fait, c'est parce que ça c'est une des choses qui montre que le cheikh lui il a pris de son temps, de son énergie pour réfuter ces choses là alors que les autres ulama peut-être eux ils avaient pas le temps, ils étaient préoccupés par d'autres choses, et donc il faut le remercier de ça. Et les autres ulama, alhamdoulillah, ils ont remercié Cheikh Rabi' de ce qu'il avait fait. Et en grande partie, quand tu lis ces livres, tu vois que dans l'introduction, le cheikh, il met des paroles des savants. Hein, parce que souvent, quand il écrit un livre, il envoie, avant de le publier, il envoie une copie du livre à différents d'entre les ulama pour avoir leur point de vue, pour avoir leurs opinions. Et après, par la suite, il publie le livre. Hein, et il met dans l'introduction les lettres, hein, qu'il a reçues de la part des ulama qui ont encouragé ou qui ont fait l'éloge de ce livre-là. Et donc ça, c'est des exemples de ce qu'on remarque. Et les gens de bid'ah sont enragés maintenant. Les gens de bid'ah à notre époque, ils ont la rage contre lui, justement à cause des clarifications et des réfutations qu'il a fait. Et c'est pour ça maintenant qu'ils disent à propos des gens qui suivent la voie des salafs à notre époque que ce sont des madakhila. Ils disent, vous êtes des madakhila. Madakhila, ça veut dire quoi? Ça vient de madkhali. C'est comme quand on suit le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab parce qu'il a enseigné le Coran et la Sunna selon la compréhension des salafs, ils disent vous êtes des wahhabiyas. Hein? Et quand on dit qu'on respecte par exemple le cheikh Mohammed Aman al-Jami parce qu'il a réfuté les gens de bid'a, il a clarifié la Sunna sur certaines questions, ils disent vous êtes des jamiyas. Donc chaque fois qu'il y a un alim parmi les ulama qui défend un aspect de la Sunna et qui réfutent des bid'ahs, eux, ils essaient de les stigmatiser. Et de dire, ah, vous êtes de tel ou tel ou tel nom. Ils inventent des noms, des sobriquets, pour faire fuir les gens. Donc, nous, on dit, non, on n'est pas des madakhila, on n'est pas des wahhabiya, on n'est pas des jamiya, on n'est pas de ces noms-là que vous inventez. Nous, on est des salafis. On suit le Coran et la Sunna, selon la compréhension des salaf al-salih. Et tous ces ulama-là que vous mentionnez, que ce soit le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ou le Cheikh Mohammed Aman al-Jami, ou le Cheikh Rabi', eh bien, ils sont tous des ulama qui suivent cette même voie et cette même compréhension. Et, Cheikh Mohammed Aman, c'était le Cheikh de Cheikh Rabi'. C'était le professeur de Cheikh Rabi'. Donc, Cheikh Rabi', il est sous la même voie que lui. Et Cheikh Mohammed Aman al-Jami, c'est un Cheikh d'origine éthiopienne qui a étudié avec les grands ulama de l'islam de son époque, avec Cheikh Ibn Baz et avec plein d'autres parmi les ulama, tous les ulama ont fait ses éloges. Et tous les ulama ont dit de lui que c'était un des grands parmi les grands ulama de notre époque. Donc si quelqu'un vient par la suite, il veut les critiquer, il veut les attaquer, il veut parler contre eux, il veut salir leur réputation, il veut éloigner les gens d'eux, ça veut dire que ce sont des gens, ils n'ont rien d'autre dans leur cœur que la bid'ah et la haine de la sunna. Ça c'est la réalité à leur sujet. Hein? Non, comme tu dis, les gens qui sont ignorants, on ne dit pas d'eux que ce sont des gens de bid'ah en général. Les gens qu'on dit que ce sont des gens de bid'ah ou des mubtadi'ah, c'est des gens que après qu'on leur a clarifié la vérité et qu'on leur a montré les preuves du Coran et de la Sunna et les explications de la Sunna, on voit qu'ils deviennent fanatiques. Et ils refusent d'accepter la vérité et ils s'accrochent acharnément à qu'est-ce qu'ils veulent suivre comme innovation. Là, tu vas dire de eux que ce sont des gens de bid'ah. Ou bien tu vois qu'ils défendent la bid'ah, ou qu'ils défendent les gens de bid'ah, ou qu'ils refusent yani, d'accepter la vérité. Là, tu vas dire ça. Mais avant ça, non. Hein? Avant ça, non. Donc si tu connais des gens, par exemple, qui vont par exemple avec Jamaat Tabligh, ou qui vont avec d'autres groupes, mais que ce sont des gens, à la base, ils aiment la sunna. Et quand tu leur mentionnes un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils acceptent tout de suite. Ils ne remettent jamais en question qu'est-ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors ces gens-là, oui, tu leur parles, tu leur donnes la nasiha, tu leur expliques hein, la sunna, tu leur donnes un livre sur ce sujet-là, tu leur donnes une cassette ou un audio sur ce sujet-là pour qu'ils entendent, pour qu'ils écoutent. Donc ils vont profiter de ça. Hein? Ou bien tu leur donnes, yani, tu trouves un moyen de leur faire passer le message et l'explication. Mais si tu vois que par la suite la personne, elle commence à changer de comportement envers toi, puis qu'elle commence à s'attaquer à la sunna, s'attaquer à la vérité, rejeter les paroles des ulama de l'islam, là dans ce cas-là tu vas dire bon cette personne, elle suit sa passion, elle suit pas la sunna, elle veut pas suivre la sunna. Donc ça c'est une autre attitude que tu vas adopter envers les gens comme ça. Ouais, si on commence à insulter, ça fait partie de ces comportements-là qui montrent que la personne, elle n'est pas sincère par rapport à la sunna, puis qu'elle s'accroche à la bid'ah, tu vois. Donc, il faut faire la distinction entre ces gens-là qui sont des suiveurs par ignorance, ils n'ont rien trouvé d'autre, alors ils suivent ça, ils pensent que c'est le bien, comme tu dis, ils voient les gens de Jamaat Tabligh, par exemple, qui vont appeler les gens à dire « venez à la mosquée », et ainsi de suite, et ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. De système, d'organisation de bid'ah, comment ça a été fondé, comment ça s'est propagé, et c'est quoi les idées qu'il y a derrière, à quoi ils appellent en réalité. Ils voient juste l'apparence, la surface. Donc, ces gens-là, tu leur expliques, tu leur parles, tu leur clarifies les choses. Beaucoup de gens, ils étaient comme ça. Puis par la suite, quand ils ont connu la sunna, ils sont revenus au droit chemin, facilement. Parce qu'ils étaient des gens sincères, à la base. La même chose avec des ikhwan, il y en a beaucoup qui étaient avec eux, ils ne savaient pas les égarements qui étaient dedans, ils ne savaient pas les idées, ils ne savaient pas qu'ils avaient des idées contraires à la sunna. Beaucoup de gens ne savaient pas ça. Et quand on leur a expliqué les choses, par là, tout de suite ils ont accepté, ils ont compris, parce qu'ils ont lu les paroles des ulama de la sunna qui clarifient les choses, et ils sont revenus au droit chemin. Tu vois? Donc c'est la même chose avec tous les gens de bid'ah. Il y en a qui vont avec les ahbash, ils ne connaissent pas les ahbash au début. Ils pensent que ce sont des musulmans qui appellent à la vérité. Puis quand on leur explique les paroles des ulamas et on leur clarifie les innovations que ces gens-là font, hein, qu'ils appellent à l'adoration des morts, qu'ils appellent à l'innovation, les gens quand ils savent ça, après ils les laissent, ils les abandonnent. Hein, quand ils savent qu'ils nient les attributs d'Allah et des choses de ce genre, ils les laissent par la suite. Et la même chose avec les Rafida ou des choses comme ça, des gens qui vont prier dans les mosquées des Shia Rafida, ils disent mais ce sont des musulmans comme tout le monde. Ils savent pas les croyances cachées de ces gens-là. Ils savent pas les idées que ces gens-là ont réellement. Mais quand on leur explique, après ils s'écartent. Hein, ils vont savoir que ce sont des gens qui appellent à l'égarement. La même chose pour les Qutbiyyin et les Sururiyyin, les gens qui appellent aux idées de Sayyid Qutb et des idées de takfir. Et de révolte contre les dirigeants et les gouvernements musulmans. Donc ça, c'est des exemples. Si les gens, ils savaient la réalité de l'islam, puis la réalité de la sunna, puis qu'est-ce que ces gens-là enseignent, ils auraient tout de suite pris leurs précautions, ils auraient évité ces gens-là, ils se seraient écartés. Mais il faut leur expliquer ces choses-là, parce que s'ils ne savent pas, ils vont faire ça par ignorance, tu vois. Donc, bien entendu, mais si c'est une personne qui est comme on dit, un innovateur, un vrai mubtadi' qui appelle les gens et qui invite les gens à la bid'a et qui utilise des shubuhat et des choses qui sont fausses pour essayer de tromper les gens, qui joue avec les choses, qui mélange les gens, avec lui ça sert à rien des fois d'essayer de faire la da'wah à ce genre de personnes là. Walaykum salam. Parce que ce sont des gens qui n'accepteront jamais la vérité en général. Ce sont des gens qui croient que toi t'es un innovateur, que toi t'es un égaré. Donc d'essayer de leur faire la da'wah, ça c'est souvent c'est une perte de temps. Et c'est pour ça que les ulama ils disent de ne pas s'asseoir avec eux. S'ils voulaient vraiment la vérité, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils feraient? Ils iraient apprendre leur religion avec les savants. Ils retourneraient aux gens de science. Mais ils ne veulent pas ça. Au contraire, pour eux, les gens de science ne sont pas des savants. Ils sont pour eux, c'est des égarés. C'est eux qui ont la vérité seulement. Donc ça ne sert à rien de perdre notre temps à essayer de leur parler à ces gens-là. En général, les ulama, ils disent on ne doit pas débattre avec eux ou rentrer dans des argumentations avec eux parce qu'ils ont souvent une fierté. Ils veulent juste montrer qu'ils sont plus intelligents que toi. C'est la seule chose qu'ils veulent. Essayer de montrer leur supériorité intellectuelle. Et ils ont cette forme de rourour en eux-mêmes. Ils sont trompés par le shaitan qui leur a empêlé leur passion et leur pensée. Donc ça c'est pour par rapport à cette question. Ensuite le cheikh on lui a demandé il explique, il dit تحريم مجالسة أهل البدع والأهواء والدراسة عندهم. Donc l'interdiction de s'asseoir avec les gens de bid'a, les gens de passion, et l'interdiction également d'étudier chez eux. Donc il y en a des fois, ils disent, mais je vais aller étudier l'islam parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'autre place où je peux apprendre l'islam, donc je vais aller chez les gens de bid'a. Hein? Et puis il va étudier avec eux, par la suite il tombe dans les bid'a de ces gens-là. Soit il va avec les soufis, ou bien il va avec les shia, ou bien avec les asha'ira, ou bien avec d'autres groupes de bid'a. Et il s'égare avec eux. Donc le cheikh il dit, إذ من منهج أهل السنة في حكم أهل البدع وحكم معاملتهم عدم الدراسة عندهم وهذه مسألة مهمة في منهج أهل السنة ولذلك كل من خالف منهج أهل السنة في هذا الباب قد وقع في حبال أهل البدع إن لم يكن أضر منهم الأدلة على هذا الحكم أولا القرآن قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. Donc le cheikh il explique que parmi les fondements ou les principes de Ahlus Sunnah wal Jama'a dans leur méthodologie, il y a le verdict qu'ils ont envers les gens de la bid'a et les gens de la passion, du fait que ils disent qu'on ne doit pas étudier avec eux. On ne doit pas étudier ou s'asseoir avec eux. Et ça, c'est un point très important parmi les points du manhaj des salafs et des gens de Ahlus Sunnah. Et c'est pour ça que tu trouves que les gens qui contredisent ce principe d'Ahlus Sunnah, dans cette question-là, ils tombent dans les cordes et dans les pièges des gens de la bid'a. Et parfois, ils deviennent même parfois plus dangereux que les gens de bid'a, sans même s'en apercevoir. Et les preuves qu'on n'a pas le droit de s'asseoir avec les gens de bid'a ou d'étudier avec eux, premièrement, qu'est-ce qui est rapporté dans le Coran? Ça c'est des principes de Ahl Sunnah. Beaucoup de musulmans aujourd'hui à notre époque, ils ignorent ces principes-là parce qu'on leur a jamais enseigné ça. Hein? Beaucoup de musulmans, ils ont l'idée, depuis que quelqu'un dit je suis musulman, il est musulman, il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, khalas, tu prends de n'importe qui. Chi'i, soufi, naqshbandi, ash'ari, peu importe, c'est pas grave. Musulman, musulman. Non. Le professeur Hassan nous a averti qu'il y allait avoir des divisions, qu'il y allait avoir des divergences. Hein? Et que c'est pas tout le monde qui se dit musulman qui est sincère. C'est pas tout le monde qui se dit musulman qui suit réellement la sunna. Donc il faut vérifier. L'imam Muhammad ibn Sirin, un des imams des salafs parmi les tabi'in, qui a étudié avec les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait? Il disait « Inna hadha al-ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. » Cette science-là, c'est votre religion. vérifiez de qui vous prenez votre religion. Prenez-la pas de n'importe qui. Et à cette époque-là, à l'époque de Muhammad ibn Sirin, hein, c'est lui un des premiers qui a dit, mentionnez-nous vos hommes. C'est-à-dire, quand les gens avant, ils parlaient de la religion, ils prenaient de tout le monde. Parce qu'ils savaient que les gens sont honnêtes. Mais quand ils commencent à avoir des fitans, et quand ils commençaient à avoir des gens qui ramènent des innovations, là ils ont dit, mentionnez-nous vos hommes. On veut savoir de qui vous avez pris cette connaissance-là. Parce que sinon on ne prend pas de n'importe qui. On ne prend pas des gens qui disent, qala Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, mais on ne sait pas c'est quoi sa position. Peut-être que c'est une personne qui invente des mensonges à propos du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est de là qu'est apparu, qu'est-ce qu'on appelle en islam, al-isnad. Hein? Et un des imams des salafs, Abdullah ibn al-Mubarak, il a dit cette parole qui est devenue célèbre par la suite, al-isnad min ad-din, walawla al-isnad laqala man sha'a ma sha'a. Hein? L'imam Abdullah ibn al-Mubarak, il a dit l'isnad, c'est-à-dire la chaîne de transmission, les narrateurs, de demander leur état, qui ils sont, ça fait partie de la religion. Et si ce n'était pas de l'isnad, quiconque pourrait dire ce qu'il veut. Tout le monde pourrait dire ce qu'il veut de la religion. Donc la religion, c'est pas n'importe qui dit n'importe quoi, et on n'accepte pas de n'importe qui et on prend pas n'importe quoi. Donc il faut vérifier, il faut faire attention de qui on prend notre religion. Et le cheikh, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va mentionner des versets dans le Coran et des hadiths qui supportent ce principe-là du fait qu'on ne doit pas prendre et s'asseoir des gens de bid'a, avec les gens de bid'a pour prendre notre religion. Il dit al-adillatu fi hadha al-hukm, ou al-adillatu ala hadha al-hukm awwalan min al-Qur'an. Donc il a cité les preuves de ce principe-là dans le Coran, le verset 68 dans sourate Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et lorsque vous voyez des gens qui argumentent ou qui débattent à propos de nos versets, alors écartez-vous d'eux jusqu'à ce qu'ils changent de conversation. Jusqu'à ce qu'il change de conversation et qu'il parle d'autre chose. Et si le shaitan te fait oublier, alors une fois que tu t'es souvenu, ne t'assois pas avec les peuples injustes ou avec les gens injustes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dois pas t'asseoir avec des gens qui discutent ou qui débattent au sujet des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il cite les paroles de l'imam Ibn Kathir rahimahullah dans son tafsir. Il dit « قال Ibn Kathir rahimahullah fi tafsiriha » وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا أي بالتكذيب والاستهزاء فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره أي حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب وإما ينسينك الشيطان المراد بذلك كل فرد من آحاد الأمة أن لا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعها فإن جلس أحد معهم ناسيا فلا تقعد بعد الذكرى يعني بعد التذكر مع القوم الظالمين ولهذا ورد الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وقال السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله وإما ينسينك الشيطان قال إن نسيت فتذكرت فلا تقعد معهم وكذا قال مقاتل ابن حيان. Donc il mentionne le tafsir de l'imam Ibn Kathir à propos de ce verset, le verset 68 dans sourate Al-An'am. Il dit, lorsque tu vois les gens qui pataugent et qui discutent, argumentent au sujet de nos versets, soit pour les démentir ou bien pour se moquer de nos versets, alors détourne-toi d'eux. Hein, jusqu'à ce qu'il change de conversation et qu'il parle d'autre chose, hein, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il commence à dire autre chose ou à parler d'autres sujets dans lesquels il n'y a pas de takzib, dans le sens de traiter de mensonges les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les gens de bid'ah, c'est ce qu'ils font. Ils traitent de mensonges les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si le shaitan t'a fait oublier, hein, alors qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire que si un individu parmi les individus de la Umma s'assoit avec des gens qui traitent de mensonges les versets d'Allah ou qui déforment leur signification, hein, et qui les appliquent en dehors de leur contexte ou qui les déforment de leur contexte réel et qu'il s'est assis avec eux parce qu'il a oublié, hein, il s'est pas souvenu qu'il devait pas s'asseoir avec eux, alors ne t'assois pas du moment que tu t'es rappelé, ne t'assois plus avec eux après t'être souvenu que tu dois t'écarter d'eux, hein, et ne reste pas avec les gens injustes. Comme c'est rapporté dans le hadith, que Allah subhanahu wa ta'ala, il a enlevé le blâme de sa umma pour les erreurs et l'oubli, et ce qu'ils ont fait sous l'état de la contrainte. Ça veut dire que si les gens dans la umma, les musulmans, ils font un péché par erreur, ou bien par oubli, ou bien qu'on les a forcés, on les a contraints à faire quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas leur demander des comptes. Et il mentionne la parole des grands ulama parmi les imams des tabi'in, comme As-Suddi et Abi Malik et Saïd ibn Jubayr, à propos de la signification de ce verset. Et si le shaitan te fait oublier, c'est-à-dire si tu oublies, alors par la suite tu t'es souvenu, alors reste pas assis avec ces gens-là. Ne reste pas assis avec ces gens-là. Lève-toi et va ailleurs, jusqu'à ce qu'ils changent de conversation. Wa hadhihi al-aya hiya al-mushar ilayha fi qawlihi wa qad nazzala 'alaykum fil kitab an idha sami'tum ayati llahi yukfaru biha ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم أي الآية أي إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك فقد ساويتموهم فيما هم فيه. Donc il mentionne que ce verset là il indique ce qui est mentionné dans un autre verset dans le Coran qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre sur vous dans le livre que si vous entendez qu'on traite de mensonges les versets d'Allah ou qu'on s'en moque, alors dans ce cas-là ne vous assoyez pas avec ceux qui font ça jusqu'à ce qu'ils changent de conversation et qu'ils parlent d'un autre sujet, sinon vous serez comme eux, vous serez considérés comme étant pareil à eux. Donc tu vois que tu es assis avec des gens qui déforment les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui se moquent des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui se raillent de ces versets, alors dans ce cas-là, vous ne devez pas vous asseoir avec eux, hein. Et sinon, vous serez considérés pareil à ceux-là. Et l'imam Ibn Kathir, il explique, il dit, c'est-à-dire que si vous vous asseyez avec eux et que vous êtes d'accord avec ce qu'ils disent lorsqu'ils sont en train de parler de raillerie ou de se moquer du Coran ou de déformer la révélation d'Allah, alors dans ce cas-là, vous serez égaux avec eux dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils sont en train de faire. وقوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء أي إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك فقد برئوا من عهدتهم وتخلصوا من إثمهم. Donc la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et ceux qui ont craint, qui ont eu la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'auront pas de jugement ou de châtiment pour ce qu'ils ont fait, dans le sens qu'ils se sont écartés de cette assemblée-là lorsque les gens étaient en train de se moquer des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à cause de ça donc ils sont innocents, ils sont innocents de ce que ces gens-là ont fait, et ils se sont ils ont été épargnés du péché par la suite, puisqu'ils ne sont pas restés assis avec ces gens-là lorsqu'ils se moquaient de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن سعيد بن جبير قوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء قال ما عليك أن يخوضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك أي إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم. Donc il explique la parole des ulama parmi les savants de tafsir lorsque ils ont mentionné ce verset, وَعَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ وَعَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ, c'est-à-dire ceux qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là et qui se sont écartés de ces discussions-là, hein, ceux qui discutaient à propos des versets d'Allah, si vous faites ça, c'est-à-dire si vous vous écartez d'eux, vous n'avez pas de péché dans ce cas-là. وَقَالَ أَخَرُونَ بَلْ مَعْنَاهُ وَإِنْ جَلَسُوا مَعَهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَزَعَمُوا أَنَّ هَذَا مَنْسُوخٌ بِآيَةِ النِّسَاءِ الْمَدَنِيَّةِ وَهِيَ قَوْلُهُ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلَهُمْ وقول وقاله مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم على قولهم أن يكون قوله ولكن ذكرى لعلهم يتقون أي لكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيرا لهم عما هم فيه لعلهم يتقون. On va s'arrêter ici pour l'adhan, inshallah. Après on va faire la prière.